Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Culturama et c'est une interview exceptionnelle qu'on va vous présenter aujourd'hui. Pour une fois, ce n'est pas Pierre qui est à l'animation, mais c'est moi parce que il est fatigué, il a un dur week-end, il a pleuré les récents déboires du LOSC. Salut Pierre. Connard. Voilà, comme ça on commence l'émission de manière bien vulgaire. Enfin bref. Salut à tous. Bah déjà, c'est vachement vulgaire puisque vous avez parlé du LOSC. Donc Ah déjà, bah j'ai envie de là, dire, tout est dit, quoi. voilà, exactement. Bon, bah voilà. Bonjour, moi je suis l'invité. Ouais. Coucou! Hello! Ah là là. Ouais, il est un petit peu intrusif, mais bon, ça va, il est sympathique, donc on l'aime bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Plus ou moins geek. Plus ou moins geek, c'est une émission culturelle autour de la culture geek, dans le sens large du terme, c'est-à-dire que ça peut parler de jeux vidéo, de BD, de romans, de culture japonaise, de ciné, de séries, de culture web et d'un tas de trucs. Le format de l'émission est d'environ 50 minutes. Un sujet étant dédié à chaque catégorie. Les sujets diffèrent selon la popularité, c'est-à-dire qu'on peut avoir un grand succès populaire comme une pépite méconnue du grand public. La joyeuse bande de chroniqueurs a un chef d'orchestre, il est notre invité du jour, David Frayssinous. Bonjour David. Un orchestre qui joue mal. Un Ok, d'accord, cette vanne était pourrie, mais je. Oui, bonjour! Bonjour, Culturama blague! Et non pas Cultura, hein, puisque c'est une Cultura, c'est tout. Donc une enseigne de magasin où ils vendent les comics 20 fois plus cher, déjà qu'à la Fnac, ils le vendent déjà 20 fois plus cher qu'Internet. Voilà! Ils ont déjà pas assez de pub, rajoutons-en. Ouais, exactement. J'ai envie de dénoncer ce soir chez vous, les gars. Moi, j'ai envie de dire c'est mal. Oui? Est-ce que Cultura vend des ordinateurs? Bah écoute, en tout cas, s'ils font de l'occasion, en tout cas, on retrouvera bientôt celui de Pierre, je pense, sur Le Bon Coin, sur eBay et sur Viva Street. Et je propose maintenant qu'on ne cite plus aucune marque, parce que normalement, ça y est, vous avez fait 10 000 euros là, de retour de placement de produits. On va gagner de l'argent grâce à toi, ça c'est magnifique. Enfin, j'en ai bien besoin, vu que bon. Vu que tu Bon. habites dans le Nord-Pas-de-Calais. Exactement, voilà. Donc comment ça va, David? Ben bien, écoute, j'ai l'impression de faire une émission très sérieuse quand tu as parlé du résumé de Plus ou moins geek, qui va être un bon gros bordel là, cette année. Enfin, un bordel organisé, en tout cas. Mais c'est ça, ouais, t'as bien résumé, à peu près 50 minutes d'émission, une partie en plateau avec des chroniqueurs qui viennent défendre un petit peu leur bout de gras, et puis des reportages extérieurs sur le jeu de rôle, sur il y a eu des, on a reçu des grands auteurs de SF l'année dernière, on a eu Michael Moorcock, on a eu en réal, on a eu Ian Coonan, on a eu un ou deux Doctor Who, je ne sais plus. Enfin voilà, quand on a reçu plein plein de monde, on a fait des sujets sur plein de trucs. Et donc voilà, dans la joie et la bonne humeur, et ça reprend bientôt. Ouais, bah ouais, pour la troisième saison. Et en fait, ça t'est venu comment l'idée de l'émission? Parce que maintenant, elle a 3 ans, mais bon, le concept, il t'est venu d'où, en fait? Alors c'est assez curieux, c'est que je crois, parce que moi j'ai une société de production, donc je produis aussi d'autres choses sur des domaines complètement variés, et Plus ou moins geek est peut-être le programme qui s'est monté le plus rapidement. En fait, à force de regarder les émissions de télé, où tu as toujours des émissions soit sur du jeu vidéo, soit qui parlent d'actu cinéma, ou alors qui vont te faire des news sur les séries télé, ou alors même souvent tu as des magazines qui sont très très spécialisés, Cinoche, ou culture japonaise. Et je me disais, c'était toujours, en fait, l'idée, elle est venue là, elle est venue de se dire que c'était dommage, parce qu'à un moment, tous ces trucs-là étaient hyper connectés à la base. T'as des jeux vidéo qui ont donné des films, t'as des films qui ont donné des jeux vidéo, t'as des films qui sont nés d'influence de la culture japonaise, tout ça était, ou de romans, tu vois, enfin, tout ça hyper connecté, et j'avais aucune émission dans laquelle je retrouvais ce truc-là, c'est-à-dire où les mecs venaient de parler de leur domaine un peu de prédilection, et en même temps pouvaient rebondir parce que le gars d'en face qui allait leur parler d'un jeu vidéo, par exemple, je sais pas, GoldenEye, et que le mec du cinéma, qui s'occupe du cinéma, puisse dire, mais attends, effectivement, le film il est comme ça. Et que le mec qui s'occupe des BD romans puisse dire, ouais, mais attention, Ian Fleming, il avait écrit James Bond par rapport à ça. Et il manquait un truc hyper complet par rapport à ça. Je trouvais ça dommage, en fait, de vachement segmenter partout à la télé, dans les magazines, souvent même sur les sites internet, de tout segmenter. Moi, je voulais un truc où, voilà, où tout se regroupait. Et j'ai beaucoup parlé, hein, je vous préviens tout de suite. Je Pas préfère ça, être pas ça. clair. Hein. Et je voulais aussi que ça permette aussi un truc. C'était un moment, c'était de casser les petites cloisons dans lesquelles chacun peut être. Moi, le premier d'ailleurs. Je suis très cinéma fantastique. Je suis un dingue de cinéma d'horreur, de cinéma fantastique. Je lis pas mal. Je lis beaucoup de romans, pas mal de BD. Je suis un gros collectionneur de goodies. Et je suis très très série télé puisque je l'ai défendu dans l'émission les 2 premières saisons. Mais en même temps, j'y connais que dalle en culture jap. Je joue pas de manga, je suis très peu jeux vidéo à part une petite partie de Mario Kart pour me défouler. Mais ce qui m'intéressait, c'est du coup d'avoir quelqu'un en face de moi qui allait me parler d'un jeu vidéo, qui allait me donner envie d'y jouer justement, tu vois. Et ça s'est produit plusieurs fois cette année. Donc c'était ça qu'on voulait provoquer pour les gens qui regardaient l'émission, c'était de se dire, ok, j'adore le cinéma fantastique ou la culture japonaise, je vais voir leur émission, et en même temps, peut-être que le mec qui va me parler des romans va me donner envie de lire du Philip K. Dick par exemple. Et du coup, comment t'es venu le choix des chroniqueurs? Parce que c'est y a des sujets super variés, comme tu l'as dit, des séries télé, de la culture japonaise. Est-ce que tu Bah, connaissais les sur chroniqueurs d'avant ou bah, la saison 1, c'était, je dis, ça s'est monté en 3 mois. On a trouvé les financements en 3 mois parce que le but, c'était quand même de faire à la base une vraie émission télé. Je voulais pas faire un truc qui ressemblait qu'à ce qu'on aurait pu faire, ce qu'aurait pu faire justement un YouTuber, tu vois, face cam. Je voulais vraiment un truc qui ressemble vraiment à une émission télé. Donc sur la première saison, c'était une émission, il y avait une émission par mois. Donc on n'a pas pu aborder trop de genres différents. Donc on avait, il y avait François Descraques pour le web et François, pour ceux qui suivent un petit peu le Visiteur du Futur ou le blog de French Nerd, c'est un de mes meilleurs potes et un de mes plus anciens potes. Ça doit faire 15 ans qu'on se connaît, donc je crois qu'il y avait 15 ou 16 ans la première fois qu'on s'est vu. Très bon contact, hein. Il est excellent, il est excellent. Ah, c'est une crème, c'est un mec qui n'a pas changé en 15 ans. En tout cas, voilà, c'était vraiment, nous on a travaillé plein de fois ensemble avec François sur plein de trucs obscurs. Avant que bah, pour lui que ça cartonne sur le visiteur. Et donc voilà, ça me semblait assez logique qu'il s'occupe de la partie web. C'est lui qui m'a présenté Fred du joueur du grenier pour les jeux vidéo. Comme je le disais, je suis pas très jeux vidéo, donc c'est plutôt François qui m'a rencardé là-dessus, qui a fait des présentations. Très bon choix aussi. Rurik pour le cinéma, bah moi je suis un grand lecteur de Mad Movies, donc j'avais repéré un peu sa patte sur les articles de Mad et puis sur le site internet de Mad Movies. Il faut savoir que je suis pas revanchard parce que Rurik, pour la petite histoire, la première fois que je l'ai rencontré en vrai, c'était dans une sorte de conférence, je crois, au Festival du film fantastique de Gérardmer, où j'étais invité à intervenir et j'ai dit un truc qui lui a pas plu alors que lui était dans la salle. C'était pas sur lui, hein, c'était sur le cinéma fantastique en général. Et je pense qu'on s'est pris le bec pendant à peu près au moins 20 minutes. Mais ça n'a pas dû le marquer des masses puisqu'il ne s'en rappelait absolument pas. Alors que moi, je m'en rappelais en me disant, putain, mais vraiment, mais quelle ordure, quel escroc. Donc voilà, mais c'était vraiment le meilleur pour parler. C'est Pitchman, hein, il te pitcherait le bottin que tu aurais envie d'aller l'acheter, tu vois. Donc il est très très fort là-dessus. Laurent Kessy qui s'occupe donc des BD romans, qui est romancier et scénariste BD. Il s'avère que c'est en fait sa chérie, c'est une des meilleures amies de ma chérie à moi. Donc tout simplement c'est comme ça que j'ai rencontré Laurent. Et puis on avait essayé de faire plusieurs fois, on a fait des petits podcasts filmés où on matait des films ensemble et puis on parlait effectivement de ce truc-là. Mi-littérature, mi-cinoche. Et on l'a fait une ou deux fois. Je crois que j'ai dû peut-être publier un jour, une fois, la vidéo sur Internet. J'ai dû la retirer depuis, mais voilà, il y a eu un bon feeling. Et puis RL, c'est, comme je disais, du coup, culture japonaise qui n'est absolument pas ma cam à la base. Et bien, c'est en passant sur son blog. J'avais été voir pas mal de sites qui parlaient de ça, qui parlaient d'actu ou de rétro. Et puis, c'était celui qui était le mieux écrit. Donc, je l'ai contacté, on s'est rencontré, et puis voilà, quoi. Et après, par contre, ça, c'était vraiment la team de la saison 1. Et quand on est arrivé en saison 2, bah, du coup, on a eu beaucoup de changements, puisqu'on est rentré dans le groupe Canal+, puisqu'on était avec Planète Plus No Limites. On passait d'une émission par mois à 4 émissions par mois, donc on passait en hebdo. Et qu'on nous avait suggéré pas mal de rubriques que les gens avaient envie de voir. Ils avaient envie de voir du jeu de rôle et du jeu de plateau. Ils avaient envie qu'on parle de cosplay. Donc, il a fallu faire venir vraiment plein, plein, plein de monde. Et là, ça a été vraiment des rencontres au fur et à mesure, quoi. Après, à partir de là, c'est vraiment des rencontres. La partie pote, c'était vraiment sur la première. Et après, ça a vraiment été au fur et à mesure. On m'a dit, bah tiens, moi, je connais quelqu'un qui parle très bien de nouvelles technologies. Mon pote, c'est un féru d'histoire un peu paranormale. Rencontre-le. Et ça, c'est vraiment fait comme ça, après. En fait, c'est plus devenu une équipe qu'une bande de potes. Alors, c'est assez curieux. Enfin, au départ, on n'était pas une bande de potes. Et ouais. Ça, c'est vraiment important. Parce que, je te dis, sur la première saison, on était six autour de la table. Je connaissais très bien François, je le connaissais très très bien. Je connaissais plutôt bien Laurent. Mais Rurik, c'était la première fois que je travaillais avec lui. RL, c'était la première fois que je travaillais avec elle. Et Fred, c'était la même chose. Bon, moi, travailler avec moi-même, c'était pas une première. C'était pas plus facile, hein. psychologiquement, ça a été très très dur de travailler avec moi-même. Mais voilà, mais en fait, cet esprit, il est né assez rapidement. C'est-à-dire que quand on est sorti de plateau, effectivement, la saison 1, moi, je la trouve hyper bancale. J'ai beaucoup de mal à la regarder parce qu'on n'est pas naturel, on accroche, on a des types de langage tous qui sont juste hyper horribles et horripilants. Au fur et à mesure, en fait, ce truc qui a été constitué un peu de manière un peu bâtarde, a vraiment commencé à devenir vraiment un esprit de groupe et vraiment un esprit de bande de potes. Et moi, c'était vraiment un truc que je voulais vraiment, qui était très très important. Ce qui fait que quand chacun me disait, bah tiens, peut-être que pour la saison 2, lui pourrait être intéressant, il savait qu'il me proposait cette personne-là parce qu'il se disait qu'il allait bien s'intégrer dans le reste de la bande. Et l'air de rien, on est quand même passé de 6 à 12 en saison 2. Parce qu'en saison 2, on a récupéré Yumi pour le cosplay. Alors elle, c'est particulier, elle m'a carrément envoyé son CV. Alors, elle y était au bluff, elle m'a envoyé un jour un mail en me disant j'adore la saison 1, elle avait 17 ans à l'époque, hein, faut savoir un petit peu, moi je l'ai su qu'après ça. Elle m'envoie un petit mail en me disant bah, l'émission est vachement bien, il manque du cosplay, et si j'avais été avec vous dans l'équipe, voilà ce que j'aurais fait pour la spéciale fantôme, la spéciale robot, la spéciale cyberpunk, la spéciale machin. Elle m'avait tout listé, je me suis dit cette nana elle a vraiment des couilles. C'est horrible de dire ça, hein. Mais c'était vraiment le cas. Et on s'est rencontrés, ça, voilà, était super à l'aise. Donc je me suis dit, allez, banco, mais toute jeune. Hein. Stéphane Gallo, donc, qui fait jeu de rôle, jeu de plateau, c'était un des meilleurs potes d'RL, donc elle me l'avait conseillé. On avait fait un petit casting, on avait vu deux ou trois autres personnes en plus, et Stéphane avait juste écrasé tout le monde, et c'est un tueur en tournage. C'est-à-dire que les textes que vous voyez dans la chronique, il les fait quasiment en live. Hein. Je crois qu'il sait sur... je ne sais pas, peut-être sur 2 jours d'enregistrement où il parle 8 heures non-stop, hein, faut imaginer, 8 heures non-stop, il a fait 2 bafouilles. Et je vais te dire que on en est, tout le reste de l'équipe, on était très très loin. Ici donc, aussi. Ouais, ah bah Stéphane, c'est un monstre. Hein. Et en plus, c'est ce qui était génial. Bah, après, je vous reparlerai peut-être des soirées qu'on s'est fait à côté, mais qui étaient vraiment bien. Troisième, c'était Baptiste Poulain qui est venu s'occuper de la nouvelle technologie dans une rubrique un peu hybride avec histoire, où il y a un autre chroniqueur qui s'occupe de l'histoire. Baptiste, c'est, on me l'a présenté avant que j'apprenne que c'était en fait le compagnon. Ça fait bizarre, compagnon, ça fait vieux mot, non ? Le compagnon, c'était le compagnon de notre attaché de presse. Partons à l'aventure. Voilà, allons guerroyer pour récupérer quelques écus, mes braves gens. Donc Baptiste, ouais, je l'ai rencontré. Et puis après, je me suis rendu compte que voilà, que c'était quelqu'un finalement que j'avais dans un cercle assez proche. Nico, qui faisait rubrique histoire, avait une émission sur Planète, et c'est le directeur de la chaîne de Planète qui a dit attendez. Je vous connais tous les deux, il faut vraiment que vous rencontriez parce que je pense que vous avez vraiment bien collé ensemble, ce qui était vraiment le cas parce que c'est devenu un de mes meilleurs potes. Attends, j'en suis à 4, donc il m'en manque 2. Sebracia, donc, qui était le deuxième morceau du binôme du genre du grenier, qu'on a fait venir en plateau. Et il en manque un, il va me détester. Et Franck qui s'occupait de la shopping list, qui est quelqu'un qui travaille dans Daru Productions, qui est la boîte qui produit plus ou moins Geek. Donc voilà, donc tu vois, c'est vraiment, les gens venaient vraiment un peu de partout. Et cette année, on en a qui quittent l'émission, il y en a des nouveaux qui arrivent et on passe à 14. Donc tu vois, je pense que si on fait encore 7 ou 8 saisons, on sera 52. Ça reste une grosse équipe. Et les sujets, justement, en fait, les chroniqueurs, ils ont carte blanche ou bien il y a des restrictions, enfin des petites commandes Alors, vraiment, pour être honnête, hein, on a 10 émissions sur la saison 1, il y en a 30 sur la saison 2, et on en a fait 24 cette année. Donc, faites le calcul, mes amis. 64. 64 émissions. Le compte est bon. Ancien bac S, merci. Oh, putain. Là, je l'aurais su, j'aurais jamais accepté de te parler. Désolé. Bac S. Ouais, et un bac S et tu viens du nord de la France, t'es vraiment un mytho. T'es un menteur. Si. Non. Le nord de la France, les gens, moi je l'ai entendu. Ah bah hein, si, non. Ouais. Une de Bollard, ils vendent leurs enfants. Bon, je vais arrêter de faire des blagues sur les gens du nord, hein, parce que... Sinon, ils vont tous te haïr, ouais. Non, sinon après, ils vont demander leur indépendance et tout ça, donc... oh merde, putain, j'ai oublié ta question. Ouais, c'est pour ça... En fait, c'est de savoir si les chroniqueurs ont carte blanche au niveau des sujets ou... Ouais, donc sur 64 émissions, il y a... Un film que j'ai suggéré à Ruri, qui était un de mes films préférés, qui était Puppet Master, donc personne ne le connaît grosso modo, mais je sais que lui aimait bien, mais il en a parlé pour me faire plaisir. Et sinon, la seule à qui a eu une indication, c'était RL, à qui j'ai demandé de faire vraiment d'accès quand même sur du manga rétro, donc qui avait au moins 7 à 10 ans dans les dents, quoi. Mais sinon, ça a été les seuls trucs. Je crois que j'ai jamais rarement fait une observation à qui que ce soit. Mais parce que chacun, en fait, quand on commence une saison de plus ou moins geek, faut savoir que là, par exemple, la saison 3 démarre le lundi 27 janvier, mais ça fait 8 mois qu'on est dessus quasiment. Donc, c'est-à-dire que ça fait depuis cet été où les mecs, je leur dis, voilà, cette année, il y aura 24 émissions, toi, tu vas être présent, par exemple, dans 16 ou 17 émissions, donc il me faut 16 ou 17 chroniques, et automatiquement, ils sélectionnent vraiment tous sont hyper pro par rapport à ça et vraiment alternent entre trucs plutôt hyper connus, vraiment des coups de cœur, des trucs dont ils ont décidé de parler mais qui vont par exemple défoncer. Je crois vraiment quand je vais même te dire qu'RL c'était plus une remarque générale de rester dans l'esprit du côté rétro de l'émission, mais c'était vraiment au tout début hein. c'était même pas avant les tournages de la première saison puisqu'après elle a tout appliqué nickel. Mais je crois que la seule suggestion, c'est vraiment rubrique sur un film en 3 ans et 64 émissions. Donc, ça va. Et qu'est-ce qui change dans cette saison 3 de plus ou moins par rapport à Mais la tout. 2? C'est un truc de. Eh, écoute, c'est quoi? C'est un truc de ouf. Il y a eu plusieurs vidéos qui ont été publiées sur la chaîne YouTube de nouvelles rubriques. Par exemple, RL qui parle des préjugés sur le Japon. Le joueur du grenier et Seb Rassia qui font des petites parodies. Donc, la saison 2, on était sur Planète. On n'a pas pu diffuser l'émission sur Internet pendant quasiment 8 mois puisqu'elle était d'abord sur Planète, ce qui était logique. On arrivait sur une chaîne payante. Je pense qu'on est d'ailleurs, je fais une aparté, mais c'était assez compliqué pour nous à gérer puisqu'on est là, je pense, le seul programme qui a été entre guillemets, j'irais repéré sur Internet, mais c'est un bien grand mot parce qu'on n'est pas sur les nombres de visionnages d'autres personnes qui cartonnent 20 000 fois plus que nous, mais on a été les premiers à vraiment passer du web à une chaîne payante. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis, ouais, par exemple, les mecs du studio Bagel, leurs sketchs, ils sont quand même en ligne, ou ce qu'ils font pour Canal est en ligne, et vous, pourquoi c'était pas en ligne? C'est ce que vous le. Bah, c'était tout simple, c'est que Canal, les mecs, ils étaient dans une partie en clair de Canal+, donc ils pouvaient être diffusés gratuitement sur Internet, comme Bref, ou par exemple France 4 qui est rediffusé Record, mais France 4 est une chaîne gratuite. Alors que nous étions sur une chaîne payante, donc sur une. Donc voilà, donc petite aparté par rapport à ça. Donc du coup, quand l'aventure s'est finie avec Planète, et ça s'est fini vraiment dans de très bonnes conditions, on a respecté notre quota d'audience, mais il y a eu un petit repositionnement édito sur la chaîne qui faisait qu'on avait déjà un peu de mal à être en adéquation avec le reste des programmes. Là, ça devenait vraiment très, très, très compliqué. On a retrouvé rapidement Énorme TV. Vraiment, 7 jours, ça s'est fait. On a présenté le programme au directeur de la chaîne que je connaissais un petit peu avant. Je lui ai dit, écoute, ça vient de s'arrêter sur Planète. Moi, si j'ai envie de faire une saison 3, toute mon équipe a envie de faire une saison 3. Il m'a dit, ok, pourquoi? Et vous changeriez quoi dedans? Et j'ai dit, ce que je veux, c'est du show. Je veux que ça devienne un vrai, comme les talk shows, tu sais, comme tu peux avoir de Laurent Ruquier ou d'Hanouna, mais pour notre culture à nous, tu vois. Et je trouve qu'il y avait vraiment un plus. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait vraiment beaucoup de sujets, on avait des insights, c'est-à-dire qu'on suivait un chroniqueur dans une convention, des fois plutôt assez loin. On a été en Espagne, on a été en Belgique, voilà. On a fait pas mal de sujets assez pointus et tout ça. Mais là, on s'est dit, voilà, la saison 3, on veut garder en fait la spontanéité qu'on pouvait avoir sur la saison 2, la saison 1. Le professionnalisme que nous a amené Planète sur la saison 2. Et en même temps, on arrivait sur l'Énorme TV, qui était une chaîne libre, c'est une petite chaîne, hein, c'est une petite chaîne qui a un an et demi d'existence, donc, où le ton est très, très, très, très débridé. Voilà, donc on s'est dit, eh ben, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on a envie de faire. On avait la possibilité de faire tout ce qu'on avait envie de faire pour la saison 3, même si on était resté sur Planète. C'est-à-dire enregistrer en public, à Paris, avoir un invité. Que finalement on laisse tomber certaines rubriques peut-être un peu trop sérieuses, l'inside disparaît, talent web ça disparaît, pour ne garder qu'une rubrique, un sujet principal qui est soit une enquête, soit une interview de personnalité, mais par contre d'avoir plutôt des rubriques qui ressemblaient plutôt à des petits sketchs, à des petits univers. Bah, Rudy, je ne sais pas si vous l'avez vu, Rudy l'année geek, le premier épisode qu'on a mis en ligne en avant-première. Oui. Rudy qui prend une. Au départ, c'était de dire l'année geek, c'est je prends une année et je redis un peu toutes les sorties qu'il y a eu cette année et je les resitue un peu dans le contexte. Il peut faire très sérieux à la base et on a déliré sur ce côté. D'ailleurs, c'est quasiment Rudy qui a tout écrit là-dessus. Sur ce côté où il est interrogé, frappé, torturé par une sorte de mec, tu sais pas si c'est la CIA, la Gestapo, j'en sais rien. Donc voilà, donc on s'est vraiment dit cette année, c'est. Faut que ça soit plus déconneur, parce qu'il faut pas qu'on gaffe, faut qu'on garde le côté vraiment culture, les infos et tout ça, parce que ça, c'est toujours ce qu'on a voulu défendre, mais de garder vraiment aussi, d'amener une fraîcheur, un côté talk show, mais de notre génération à nous, quoi, avec notre culture. Mais justement, tu parlais d'enregistrer en public. Ça apporte beaucoup le public sur le plateau comme ça. Franchement, rien que déjà pour nous, c'est hyper kiffant. Parce que je sais pas si ça sera d'ailleurs coupé ou pas coupé. On parlait des quand tu fourches, tu sais, quand tu fais une intro d'émission. Moi, ouais. Il y a toujours un truc, c'est que la première, j'arriverai jamais à la. C'est très rare quand j'arrive à la placer. C'est-à-dire quand je fais un lancement d'une émission pour un tournage de l'émission, la première elle est toujours foirée et la deuxième en général elle est toujours dans la boîte. D'ailleurs, au même titre que quand le public remarque que j'ai réussi à la faire du premier coup, ils sont très très étonnés, tu vois, je suis très très applaudi. Mais et ce qui est génial, c'est d'avoir le côté live, c'est-à-dire que quand on fait une vanne, du coup, si t'as le public, il est pas énorme, hein, ils sont entre 10 et 15 personnes, mais ils sont hyper bruyants, hyper, tu vois, ils sont à fond, quoi. Donc quand tu fais une vanne qui est bonne, vraiment ça se marre, ça te porte, tu te dis putain, ouais, là je viens de faire marrer tout le monde. Quand tu fais une vanne de merde, eh ben, tu le ressens vraiment. C'est-à-dire que tu n'as pas un rire. Donc tu fais OK. Et quand les invités interviennent, quand ils disent quelque chose, quand d'un coup tu as une info qui étonne vachement tout le monde, ça vit à côté de toi. Parce que nous, sur le plateau, autour de la table, cette année, on est 5 autour de la table. L'année dernière, on était 6. Donc déjà, on est un peu plus, c'est un peu plus confidentiel. Et surtout, tu es dans une bulle. C'est-à-dire que t'as quand même, nous on a 8 caméras qui sont braquées sur nous, il y a un réalisateur qui est en régie, t'as plein d'assistants en plateau qui courent partout, t'as les mecs du son, les cadreurs, les mecs de la lumière, c'est vraiment une fourmilière, hein. Faut imaginer que t'as nous devant et que t'as 30 personnes derrière qui sont en train de bosser, qui sont en train de, déjà en plus d'espérer que tu vas pas trop merder parce que tu vas pas finir trop tard, mais tout ça pour te dire que t'es vraiment dans une bulle et d'avoir le public, ça te ramène vraiment sur le fait que tu ne parles pas qu'à toi, tu parles pas qu'à tes potes autour de la table, tu parles à des gens qui sont susceptibles de pas connaître ce dont tu parles. Tiens, cette phrase n'est pas très française. Si, ça voilà. Mais l'inviter plus le public, ça nous oblige à pas rester dans notre bulle. L'émission entame donc ce lundi 27 à 9h-5 sur Énorme TV pour sa troisième saison. Donc au début, c'était produit par Vosges Télévisions, si je me trompe pas, et c'était aussi diffusé sur Dailymotion. Après, c'est passé sur Planète No Limit. Est-ce que c'est compliqué de diffuser quelque chose qui parle de culture geek? Tu parles en télé ou sur le web? Ouais, en télé. En télé, ouais. En télé, ouais. Ouais. Je vais pas mentir en disant que la première saison, on l'a fait avec une chaîne locale. Une chaîne locale qui s'est appuyée sur, je crois, 5 ou 6 autres chaînes locales, un petit peu partout en France. Et on a bénéficié de Kazé. Qui a aussi diffusé le programme, donc a mis un peu de sous dans l'aventure. Hein, comme je disais, on est sur un programme, on est sur une vraie émission de télé, donc il faut quand même payer les gens qui prennent la caméra, surtout quand ils sont 7 ou 8. Et Dailymotion était aussi dans l'aventure. Voilà. Et après la première saison, on a été faire le tour de toutes les chaînes en disant voilà, on a cette émission-là. Elle est loin d'être parfaite. On pense qu'on peut par contre largement l'améliorer et on pense qu'il y a vraiment des gens pour la voir. Du coup, on a discuté plein de chaînes. Hein. On a été avec Planète parce que ce qu'ils nous ont proposé était intéressant. Je ne parle pas financièrement hein, parce que ces considérations-là, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi, sauront que ça ne compte pas. Moi, ce que j'ai besoin, c'est l'état d'esprit en face. C'est vraiment le meilleur état d'esprit qu'on ait rencontré. C'est-à-dire nous dire, je ne comprends rien ce que vous dites, mais banco, on y va, quoi. Et toute la chaîne, tout notre boss au niveau de Planète No Limit, son chef au-dessus, voilà, ils nous ont dit, on ne sait pas de quoi, on comprend rien de vos trucs, mais ça a l'air sympa. Donc, on y va. Mais voilà, mais il y a une chaîne en France qui s'est lancée. Après, tu as des chaînes qui sont... tu as des chaînes comme No Life dont c'est vraiment le créneau. Et encore, moi, j'ai un problème, c'est que No Life, ce n'est pas vraiment une chaîne qui me parle. J'ai plus de 30 ans. J'ai vachement du mal. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais... moi, j'ai plutôt du mal à me retrouver sur No Life, par exemple. Ben, en fait, ce qui est bien avec No Life, c'est que ben, justement, ça diffuse pas mal de produits du web, mais finalement, ben, c'est pas forcément utile d'avoir No Life parce qu'on peut tout retrouver sur Internet. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Ouais. Mais ça a permis un petit peu de lancer certains programmes. Hein. Par exemple, la Flanders Company, enfin tout ce qu'a fait Rudy Pomared. s'est passé là-dessus et ça l'a vraiment lancé, je pense. Ah, mais complètement, complètement. Mais je suis complètement de ton avis, en fait. C'est-à-dire que pour moi, en fait, les émissions de NoLife, elles sont très bien, mais elles s'adressent à un public très, très spécifique. C'est-à-dire, si tu as un fan hardcore de tel truc, tu vas y aller et voilà. Alors, nous, le but de l'émission, c'était vraiment de faire un panel le plus large possible de la culture geek. Donc, pourtant, on pourrait se dire, ouais, du coup, comme c'est très très large, forcément, il y a plein de chaînes de télé qui vont adorer, qui vont se dire, c'est génial, tous les gens qui aiment le jeu vidéo vont venir, tous les gens qui aiment le cinéma fantastique vont venir, et puis tout s'accumuler, ça va faire des audiences de malade. Et c'est faux, parce qu'au contraire, c'est que t'as plein de chaînes qui se disaient, attends, les mecs aiment le cinéma fantastique, ils doivent pas être beaucoup, ceux qui aiment le jeu vidéo, ils sont pas beaucoup. Souvent on me disait ah oui geek j'en ai déjà entendu parler parce que j'ai un cousin il est geek tu vois Ah c'était le ouais, plus mais ça, gros c'est... tu vois et tu te dis Ouais. mais attends quand l'autre coup j'ai vu une stat qui passait c'était qu'il y avait je crois c'était énorme hein, c'est 20 millions de personnes en France qui jouent aux jeux vidéo de manière assidue c'est-à-dire même avec les tablettes ou les smartphones mais 20 millions de personnes c'est-à-dire que jouer à un jeu c'est rentrer dans les codes de tout le monde. Quand tu vois que Paranormal Activity ou Insidious fait 500 000 entrées en France, je te parle même pas de tous les mecs qui l'ont vu en le téléchargeant, c'est-à-dire qu'il y a un putain de monde quoi qui a envie de voir ces trucs-là quoi. Et en télé, ça a été vraiment compliqué quoi. On est arrivé à chaque fois, on nous a dit ouais, mais voilà, ça va intéresser qui joue au jeu de rôle franchement, tu vois? Et Les on leur mecs disait totalement en dehors de la réalité, ah mais ouais. Et c'est... je leur disais mais attends, moi bon maintenant je suis à côté de Paris. Mais au moment où on a tourné les deux premières saisons, j'étais dans une ville qui s'appelle Épinal. Ça fait 30 000 habitants. Allez, 40, 40 000. Il y a quatre associations qui font du jeu de rôle ou du jeu de plateau. voilà. Quatre. Il y a deux librairies spécialisées sur le manga. On est sur une ville de 30 000 habitants. Donc après, ces arguments, tu vois, au fur et à mesure, tu les développes aussi parce que c'est aussi un peu le but quand tu fais une émission télé et que tu vas faire le tour des chaînes pour leur dire que c'est vraiment le truc magnifique, il faut qu'ils mettent un peu de blé dedans pour pouvoir te faire bosser et bosser l'équipe. Mais c'est vrai que c'est pas été évident, hein. Franchement, ça n'a pas été évident. Et je pense que même encore aujourd'hui, c'est compliqué. Hormis Game One, No Life, les normes TV, c'est aussi un peu une première parce qu'on est le. Nous, ça inaugure une sorte de partie sur la culture geek qu'ils ont initiée il y a un petit peu parce que je travaillais aussi un peu pour eux pour certains de leurs programmes, je les ai conseillés par exemple sur l'achat de manga, sur l'achat de films. Et à chaque fois, je leur ai dit, mais allez diffuser ce film-là, c'est un film japonais, il est complètement fou, c'est un budget de dingue, personne n'en voudra ailleurs, c'est jamais Energy 12 ne diffusera jamais ce truc-là. Faisons-le, quoi, tu vois. Il faut que le mec ait l'esprit un peu, presque un peu fou, quoi. Et le mec de Planète l'année dernière avait vraiment cet esprit fou-là en lui. Le boss des Normes TV a aussi cet esprit fou, quoi. Je pense qu'il faut être fou. L'émission, elle n'a pas forcément une image traditionnelle. Un mec comme le joueur du grenier, Fred Molas, il n'a pas forcément une tête de télé, quoi. Enfin, je dis ça comme ça, mais c'est Ah vraiment un mec qui a été porté par l'Internet, en fait. mais je suis mais je te dis à 100% d'accord. C'est une de mes fiertés. Bah, j'ai plein de fierté sur cette émission parce que je te dis, pour moi, c'est un truc, c'est un ovni à la télé. Bah, je te dis, on parle d'une émission qui était sur Canal+. On parle pas d'une émission qui était sur NoLife ou sur Game One, tu vois, avec une communauté qui a l'habitude. Si tu prends la saison 2 et tu verras la saison 3, vous allez voir parce qu'il y a beaucoup de changements, il y a pas mal de choses. Mais on garde cet esprit what the fuck un peu. Mais sur la saison 2. T'as Laurent, Seb, Fred et RL qui ont un accent du Sud. Tu me diras une émission où sur les 6 chroniqueurs en plateau, t'en as 4 qui ont un accent. T'en as jamais. Non mais c'est vrai. C'est vrai que c'est très formalisé, enfin formatisé, pardon. C'est un truc de fou. En plateau, on avait quoi? On a Fred et Seb qui étaient en surpoids, RL qui en manque. On a un chauve avec les dents écartées. On a Laurent avec son accent du Sud. Et moi avec mon gros pif au milieu, tu vois, je veux dire, c'est hallucinant. Et c'est vrai que quand on fait des conventions, c'est assez marrant parce qu'on a un public très très différent. Il y a les gens qui nous ont suivis par la saison 1 sur le web, qui sont, je dirais, plutôt jeunes, qui après ont regardé quand l'émission, parce que l'émission a été piratée assez rapidement sur Canal, donc tout le monde l'a trouvé facilement sur YouTube, ce qui était très cool, hein, moi j'avais aucun souci par rapport à ça. Mais par contre, il y a les gens qui nous ont découvert par Planète, qui étaient plutôt des gens qui ont 35 à 50 ans, quoi. et on les a rencontrés à Geekopolis, c'était fou parce que c'était, on a vu que ça, que des gens qui sont arrivés avec 50 piges. Ah bah nous, le jeudi soir, on regarde, on fait notre petit plateau repas, on regarde ça avec nos enfants, parce que nos enfants, du coup, bah, ils voient le joueur de grenier, et en même temps, nous, on a un sujet, par exemple, sur le jeu de plateau, ou sur le GN, ou sur Michael Moorcock, tu vois. Et j'étais hyper fier, quoi. Tu te dis, c'est un truc de fou. C'est un, déjà, t'as mis des gens, effectivement, comme tu dis, qui n'ont pas du tout des profils de télé. Ça n'empêche pas qu'ils sont bons. Et deux, tu deviens limite une émission presque un peu où toute la famille peut regarder, tu vois, parce qu'on parle à chacun. Donc c'était vraiment top, quoi. Et cette année, on a la même chose, hein. Ouais, bah ouais. Et puis en plus, là, il y a le retour sur YouTube. Bah, comme tu as dit, il y avait la saison 1 sur Dailymotion. La saison 2, maintenant, elle est disponible sur YouTube depuis le passage sur Énorme TV, parce que la saison 2, elle a été diffusée sur Énorme TV aussi. Ouais. La chaîne, c'est plus ou moins Geek TV, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, plus ou moins Geek TV. De toute façon, on mettra ça en description, tout ça, vous verrez tous les liens. Enfin, voilà, il y aura tout. Et sur le Minitel, 3615, plus ou moins Geek. Vous tapez 3615, plus ou moins Geek, ça fait bouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu te jure, elle déchire. C'est assez concept quand même, hein, niveau graphisme, sûrement. Surtout. Ah, et alors, c'est... Ouais. C'est du 8 bits. Hein. la blague. Pardon. Ouais. Mais sinon, c'est important. Bientôt, les blagues sur Minitel, on ne pourra plus les faire du tout. Il faut en profiter. Faisons des vannes sur Minitel. Les Minitel sont désactivés. Hein. Ça fait mais oui, ils ont arrêté. Mais ouais, les pauvres Minitel. T'imagines, il y a un endroit en France où tu dois avoir 40 millions de Minitel qui sont entassés. Mais quel gros bordel. Ils sont tous morts. Tu m'étonnes. Tu me disais sur la diffusion web, c'est de toute façon, c'est pas dur. Chaque année, on a changé de chaîne. Ouais. Et chaque année, on a changé de mode de diffusion. C'est-à-dire que la première année, c'était Dailymotion à fond. Il n'y avait rien sur YouTube. Deuxième année, on n'avait plus le droit à rien de mettre. Donc, on a mis que les sommaires. Et la troisième année, on passe sur du tout YouTube en réactivant un tout petit peu Dailymotion. Mais vraiment, là, on va commencer à remettre un petit peu les émissions. Mais c'est vraiment YouTube qui est aujourd'hui notre player principal, quoi. On va parler un petit peu plus d'actualité, je sais pas, Vincent. Oui, justement, on parle de YouTube. Qu'est-ce que tu penses du durcissement de la politique sur les droits d'auteur par rapport à YouTube? Alors, écoute, je vais peut-être me faire lyncher, mais en même temps, comme je disais, c'est que je fonctionne comme ça, je dis toujours ce que je pense, parce que voilà, faut la langue de bois, c'est pas forcément toujours intéressant. Mais je pense que YouTube a un peu raison. Alors vous allez me dire, quoi ? Quoi ? L'enfoiré, le droit à la création, machin ? Et j'ai envie de dire, c'est un peu logique à un moment, parce que pour moi, franchement, ceux qui reprennent des vidéos de chatons ou de mamie qui se cassent la gueule et qui vannent et qui en font des commentaires et machin, je pense à Antoine Daniel ou Salut les geeks, Mathieu Sommet. Pour moi, je pense que eux, ils font, voilà, il y a vraiment une petite partie création. J'ai pas trop de soucis par rapport à ça. Franchement, ils reprennent. Et puis, il y a aussi le Fossoyeur aussi qui est impliqué. Tu utilises plein d'extraits de cinéma, etc. Alors là, c'est peut-être un peu plus compliqué sur le Fossoyeur. Ouais. C'est peut-être là où, moi, à mon avis, je pense qu'il y a une limite où il y a des choses que tu peux faire et pas faire. Mais Fred, du coup, c'est vachement intéressant parce que Fred, du Joueur du Grenier, on en a pas mal discuté ensemble. Et puis, j'ai vu un petit peu passer tous les commentaires des uns et des autres. Mais en même temps, pour moi, tu peux faire de la vidéo sur YouTube. Je n'ai pas de souci par rapport à ça. À la limite, que tu utilises des extraits de films, de la ZIC, machin, il y a un système pour ne pas te faire toper. C'est de ne pas la monétiser, cette vidéo. Ouais. C'est ça qu'on a oublié. C'est-à-dire que moi, demain, nous, plus ou moins geeks, j'expliquerai un petit peu après sur comment nous, on a une petite. On rentre dans le droit par rapport à ce qu'on fait sur plus ou moins geeks. Je vous en parlerai un petit peu après. Mais effectivement, c'est-à-dire que si tu ne monétises pas ta vidéo, à la limite, tout le monde s'en fout. Les studios, ils s'en foutent. Le compositeur, il s'en fout. D'ailleurs, si tu regardes bien, ceux qui ont fait de pression là-dessus pour récupérer leur pognon, c'est pas forcément la Warner qui dit attendez, le Fossoyeur, il a pris 5 minutes de film pour parler. Ils s'en foutent. Le Fossoyeur, il parle souvent de films. Honnêtement, 95% des gens ne connaissent pas forcément. D'ailleurs, je trouve même presque trop grand public par rapport à ce que nous, Rurik, fait chez nous, par exemple. Rurik, il n'y a quasiment pas un seul film mainstream dont il a parlé. Hein. Même Evil Dead, il n'en a jamais parlé. Quoi. Pour faire court, en tout cas, Voilà, à partir du moment où tu monétises la vidéo, c'est-à-dire que tu vas te faire du blé. Si, ce que je dis, c'est que les grands studios, ils sont, grosso modo, ils s'en foutent. C'est comme les gros éditeurs de jeux vidéo. Ils vont pas venir forcément emmerder les mecs qui commandent du MMORPG, que ce soit Hunter Blucher, Bob et Fanta. Franchement, ils s'en foutent, ça leur fait une pub d'enfer. Les mecs, ils vont les... Même si les mecs, ils gagnent très bien leur vie en faisant ça. Hein. C'est indéniable. Non, ce qui va faire chier, c'est le compositeur, par exemple, d'une musique de jeu vidéo, qui va se dire, attends, moi je m'en fous, je suis pas un gros studio, je touche pas d'argent sur les ventes du jeu physique. Et par contre, s'il y a un gamin à l'autre bout de la France qui prend ma musique et qui se fait 3, 4, 5 000 euros par mois, je veux ma partie. Donc tu vois, quand tu réfléchis bien, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, je pense. Mais par contre, je ne sais plus qui. J'ai vu un excellent podcast là-dessus, mais je serais bien incapable de vous dire qui l'a fait. C'est un mec qui fait je crois, de la philosophie à partir d'extraits de films sur Internet. Je crois que c'est ça. Hein. Et qui disait un truc. Ouais, je sais, je regarde des trucs super déviants, les gars. En fait, je sais pas, c'est peut-être du Randall, mais je suis pas sûr. Ah, c'est ouais. Je pense pas, non. En fait, je sais pas. Bon, cas, si vous savez, mettez-le en commentaire, hein, d'ailleurs. Ouais, voilà. Mettez-moi un truc sur la page Facebook. S'il y a des fans, envoyez-nous des mails d'insultes pour pas avoir la référence. Enfin, cool. Voilà. On accepte. Et le mec disait un truc juste. Il disait, moi, dans ce cas-là, je veux bien utiliser un extrait de film. Je monétise ma vidéo parce qu'effectivement, 95% du contenu que je mets sur YouTube, c'est moi qui l'ai fait. Je me suis filmé, j'ai fait le son, j'ai fait la lumière, j'ai monté, j'ai fait tout ce travail-là. Mais dedans, j'ai 5% qui ne m'appartiennent pas. Dans ce cas-là, que je n'ai une monétisation que sur 95% et que les 5% de ce que je n'ai pas qui ne m'appartient pas, bah, que les 5%-là ils soient redistribués au mec qui a fait la musique dont j'ai pris un extrait. Enfin, tu vois quoi. En fait, le problème qu'il y a avec ça, c'est que sur ces 5%, tu as YouTube, ils vont arriver sur les droits d'auteur, mais leur technique, généralement, c'est de couper le son de la vidéo. Je pense qu'ils font que ça, d'ailleurs. Enfin bref. Donc du coup, bah, ça pourrit un peu toute la vidéo et donc tout le travail. C'est peut-être pour ça qu'il y a aussi tous ces mouvements un petit peu... Ben, voilà, ça énerve pas mal de monde, justement, que, ben, il y ait cette radicalisation. La réponse de YouTube, elle était d'ailleurs, ils sont en train de faire marche arrière. Hein. Si tu regardes, c'est en arrière toute. Mais c'est vrai que moi, nous, c'est arrivé plusieurs fois sur Plus ou Moins Geek, notamment la saison 1, où quand on l'a mis sur YouTube, ils m'ont, par deux fois, ils m'ont viré toute la bande son, quoi. Tout le sonore. Donc, c'est-à-dire, je me retrouve avec 52 minutes de mecs qui parlent dans le vide et rien. Pourquoi? Parce que dedans, il y avait 15 secondes. De la musique d'une bande-annonce officielle. C'est pour ça que je disais que nous, c'est un peu particulier, Plus ou Moins Geek, puisqu'on est une émission télé, donc on a ce qui s'appelle le droit d'information et le droit de citation. Le droit d'information et le droit de citation, c'est-à-dire que comme on parle d'une œuvre et qu'on est dans un contexte de télévision où on amène un esprit critique, tu as le droit, logiquement, il y a une tolérance jusqu'à à peu près 15-20 secondes d'extrait, et même d'extrait de film. Hein. Aujourd'hui, je pourrais prendre carrément une scène de film et mettre dans Plus ou Moins Geek. Juridiquement, je suis tranquille. On ne peut rien venir me dire. Nous, on s'est même dit, on va même pas jouer ça. On va même pas prendre d'extrait de film. On va prendre des extraits de la bande-annonce. C'est-à-dire que nous, ce qu'on diffuse, c'est les photos officielles, les affiches officielles, tous les supports de communication officiels. La bande-annonce officielle, on prend 15 secondes. Et même sur ces 15 secondes-là, je me suis fait toquer et on a 52 minutes de vidéo qui ont été foutues en l'air. Donc ouais, la réponse de YouTube, elle était pas adaptée. Mais il y a quelqu'un, moi, qui m'a dit un truc juste, qui m'a dit, est-ce que YouTube, finalement, ils n'ont pas essayé de faire ça, c'est-à-dire de sucrer d'un coup tous les sonores, de démonétiser les vidéos, en disant, voilà, c'est 100% ou 100% de monétisation que vous n'avez plus, juste pour faire vraiment peur, pour que les gens, tu vois, se disent, oh putain, merde, qu'est-ce qu'on va faire, il n'y a pas d'autres plateformes, etc. Et à un moment, pour pouvoir dire que YouTube revient en disant, écoutez, vous savez quoi, sur les vidéos qui posent problème, on fait 50-50. Et le 50-50 passe mieux à partir du moment où tu as eu la menace du 100% d'annulation. Donc voilà, et c'est une théorie qui est peut-être pas idiote. C'est-à-dire, est-ce que YouTube a pas essayé de faire un gros truc pour faire peur à tout le monde, pour essayer de faire passer un petit peu en douceur, un peu la politicienne, un truc un peu plus. C'est fort probable, ouais. Un peu plus doux. Ouais, ouais, un peu plus doux, mais s'ils avaient attaqué tout de suite par le plus doux, tout le monde aurait crié au scandale quand même. Ouais, ouais. Ouais, tu vois, mais ils auraient crié au scandale, mais YouTube aurait peut-être eu moins à l'arrivée que là, si on ils disent, ouais, finalement on fait 50-50. Monde d'affaires, ouf, heureusement, tu vois. Ouais, dur en affaires. Ouais, mais bon, et tu sais, c'est comme tout, hein, y a plein de gens qui se disent, YouTube, c'est une grosse société, hein. C'est une société qui est en bourse et tout ça. Hein. C'est pas des mecs qui font ça pour la joie d'aider le monde à aller mieux. Hein. C'est peut-être ça que moi qui aussi que je trouvais que tout le monde avait un peu oublié là-dedans. Tu vois. J'entends là, ouais, YouTube, le droit d'expression. Attends, YouTube, c'est Google, hein, c'est ça. Donc le droit d'expression, voilà. Ah ouais, t'as envie de dire, attends, les mecs, ils font un moteur de recherche où tous les résultats qui remontent, c'est les gens qui ont filé du pognon. Enfin, je veux dire, en matière d'indépendance intellectuelle, t'as vu mieux quand même hein, que YouTube et Google, quoi, franchement. C'est clair, c'est clair. Mais bon, par contre, je trouve que c'est intéressant par rapport à des. Je pense notamment, tu vois. Joueurs du grenier, Antoine Daniel et tout ça, bah, ça les oblige aussi eux à se poser des questions de savoir si un jour ce truc-là s'arrête, bah, comment ils vont transformer finalement ces énormes audiences qu'ils ont pour est-ce qu'ils peuvent la faire migrer ailleurs tu vois, bah, tout le monde me disait ouais, joueur du grenier, tu as mis dans l'émission pour faire de l'audience, ce qui est complètement fou. Si tu regardes en télé, on n'a pas. Il y a quoi, il y a 1,5 million de personnes à chaque fois qui regardent les vidéos de Fred et Seb. Nous, si on avait fait 1,5 million de téléspectateurs sur notre émission sur Planète, je veux dire ça serait. On aurait été les rois du pétrole. Je veux dire ah, ça, c'est clair. On ne faisait pas une saison 3 sur l'énorme TV, on faisait l'adaptation au cinéma Hollywood avec J.J. Abrams. Hein. donc, ce truc de cumul de machin, c'est compliqué. Quoi. C'est, enfin, voilà, après, ça dévie sur un autre débat, mais. Ça, en tout cas, voilà, moi je trouve que ça a permis à beaucoup de se poser des questions et j'espère que chacun arrivera à trouver un peu des réponses. Mais un mec qui est malin au jour d'aujourd'hui, un petit compositeur, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est qu'il fasse des sites, un site où il met de la musique en ligne gratos, en travaillant avec les youtubeurs, en disant aux youtubeurs, voilà, que, franchement, pour beaucoup, à part Will Fossoyeur quand il prend un extrait de film, c'est sûr que. Ça paraît assez logique que ça soit la vraie musique et compagnie. Mais il y en a qui, honnêtement, c'était juste la musique de fond qui était une musique dont ils n'avaient pas les droits. Et c'est con, quoi. Tu dis, à la limite, tu mets n'importe quelle autre musique libre de droit et t'es tranquille, quoi. On va faire un débat sérieux, quoi. Vincent, un petit prout, s'il te plaît, pour dédramatiser. Une petite Salma Hayek au Grand Journal. Ah, une petite Salma Hayek au Grand Journal. Exactement. En parlant de musique, est-ce que tu as un coup de cœur en ce moment? En musique, en ciné, est-ce que tu as un coup de cœur en ce moment? Coup de cœur. En ciné, qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Ça va être l'horreur, les gars. Vous avez me grillé et tout le monde va se rendre compte que je fais une émission sur les trucs que je vais même pas voir. non, c'est. Je vais quasiment plus au Cinoche, mais vraiment par manque de temps. Je vous disais, entre la préparation de Plus ou Moins Geek, j'ai d'autres émissions à côté, donc c'est assez compliqué. Il y a un truc que j'étais voir, c'était Gravity. Où j'ai pas visuellement incroyable, mais au niveau de l'histoire, c'est pas le chef-d'œuvre que tout le monde avait annoncé. J'étais un peu au bout de la troisième navette, tu sais, au bout de la troisième station spatiale dans laquelle elle va et qui part en couille. Au moment, tu dis bon, ouais, mais sinon, en fait, elle est morte. Hein. Alors pour moi, elle est morte aussi. Truc de fou, elle hallucine la fin en gros. En fait, Pierre, t'es mon pote d'esprit, Pierre. Tout à fait, tu penses la même chose que moi sur Nalife. Parce que bon, c'est obligatoire au bout d'un moment, attends, quand elle commence à aboyer et qu'après elle part dans son trip ou elle commence à savoir comme par magie diriger la navette. Ouais, mais complètement. Pour moi, elle est morte dans la navette avant que George Clooney revienne. Et j'espère que, bon, voilà. Heureusement, tout le monde l'a vu. Hein. Ouais, bah maintenant, ouais. Maintenant, tout le monde le sait. Si vous l'avez pas vu, il y a la critique ciné sur Culturama, j'ai envie de dire. Et par contre, si j'ai vu, je me suis tapé tout Walking Dead, le comics, parce que je regardais la série qui me. Ah, j'ai pas tout fini, moi. Alors, je te spoile pas, mais que j'ai trouvé plus intéressante que la série sur laquelle je trouvais que c'était un peu. Il y avait pas mal de flottement. En fait, le problème de la série, ouais, c'est qu'elle a. Elle a ses moments de flottement. Généralement, c'est début, fin de saison. Et entre deux, ça navigue un peu beaucoup. Enfin, jusqu'à la mi-saison, en fait. C'est début de saison, mi-saison et fin de saison où ça s'active. Ouais, en fait, il te reste 20% d'intéressant, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est sourd. Et en fait, et le comédien principal, mais je sais pas si c'est que moi, mais je peux pas, mais il joue comme une caisse. Ce mec-là jouait déjà dans une série qui était qui s'appelait. Oh putain, comment ça s'appelait ? C'était une série anglaise où lui incarnait un psy qui travaillait avec une médium. Mais c'était la version dark de Ghost Whisperer et de Medium avec Patricia Arquette. Tu vois, c'était une série hyper glauque. Et par contre, il jouait déjà comme une merde, mais la série était incroyable. Mais alors là, du coup, lui qui porte la série tout seul, je trouve que c'est pas terrible, quoi. Ah, moi, je l'aime bien. Oui, je sais pas, je l'aime bien. Je suis... Ah, Pierre. Même s'il Pierre, a son. ok, Pierre, tu demandes le divorce de ma tête. Ok. Ouais, je sais. Mais non, mais je sais qu'il a cette voix un peu bizarre où on a toujours l'impression qu'il va pleurer. Mais je sais pas, je l'aime bien. Je suis pas. C'est une chouteuse. Ça me dérange pas outre mesure. Voilà. C'est une J'arrive à chouteuse. supporter. Mais par contre, du coup, Laurent a parlé dans la saison 2 du comics Crossed, qui est, pour nous présenter un plateau, il nous a dit en fait, c'est ce qui ferait passer Walking Dead pour un camp de vacances. Et c'est incroyablement trash. C'est un comics, là, en couleur, contrairement à Walking Dead, avec des mecs qui sont. Qui ne viennent pas des sortes de zombies, mais des sortes de maniaques, comme si toutes les pulsions les plus animales, les plus folles, prenaient le pas sur les gens, et apparaît sur leur visage, à ces gens-là qui sont contaminés, on va dire, une sorte de croix rouge de chair brûlée. Et c'est hyper trash. Ça vient d'être publié en France, j'ai reçu les comics, j'ai tout bouffé ça d'un seul coup, et franchement, il y a des trucs mais qui m'ont vraiment. Pas choqué, mais qui m'ont vraiment retourné la tête en me disant putain, merde, les mecs, ils ont été super loin, quoi. Donc, Crust, ouais, super, super BD, conseillé par Laurent Cassis, hein, que voulez-vous. Et puis, ouais, c'est principe, ouais, gros coup de cœur là-dessus. Et puis, en série, non, en ce moment, série, je me fais chier, en fait. Vous voyez, Mathieu Mother, là, c'est. Tu Et dis que puis la tu. fin de Breaking Bad, peut-être aussi. Ouais, j'étais à fond, hein, sur Breaking Bad. Ah mais alors là je suis Walter White à mort quoi. Qu'est-ce que c'était bon, Ah, très cette fin. bien. Cette fin. Hyper déçu par contre par la fin de Dexter qui est quasiment arrivée avec 2 semaines de décalage. Ouais, j'en ai entendu parler, personnellement, je regarde pas, mais. Ouais, fin hyper décevante, mais ça fait 3 saisons que c'était vraiment de la grosse merde. Et par contre le créateur original, parce que Dexter a changé 2 fois de showrunner, le tout premier, celui donc qui a fait les 4 premières saisons qui sont vraiment les 4 meilleures largement. A publié il y a peu de temps en fait la fin idéale qu'il aurait fait pour la série. Bon, je la spoile pas, c'est trouvable sur halluciné.fr. Enfin, en tout cas, c'est là que je l'ai trouvé. Et son idée était 20 milliards de fois mieux que la fin toute pourrie qu'ils nous ont fait. Mais non, non, pas trop. Ouais, en ce moment, je trouve y a pas grand-chose qui me botte en télé, pas beaucoup en ciné. En même temps, en fait, je suis dans ma période Laurent Cassis. Je suis très BD roman là, en ce moment. Il y a une super série qui a démarré il y a 2 semaines sur HBO, c'est True Detective. Ouais, il paraît que c'est très très bien et Et ça a bien marché sur puis HBO. surtout, le concept va être très intéressant, c'est-à-dire que HBO a envie de changer d'acteur à chaque saison. C'est-à-dire que ben, là, il y a un duo et ce sera un duo différent pour la saison 2. Et du coup, ça risque d'être très intéressant aussi pour la série. Tu sais que ça, c'est un truc qui, à mon avis, va être un truc qui va se multiplier dans les années à venir. Ouais, Et je pour. pense que le retour de 24 heures chrono sous une forme, pareil, sur une saison finalement presque isolée de tout le reste, je pense que c'est un truc qui va vraiment venir à la mode. Tu peux pas savoir comme j'en suis certain. Pour que chaque C'est-à-dire acteur fasse son petit projet cinéma entre deux, etc. Et exactement, ça exactement. permettra de renouveler la série Et que les départs des sans trop acteurs ne fassent pas forcer. trop chier non plus les showrunners. Exactement, Et ouais. complètement, complètement. Aujourd'hui, déjà comme ça, les mecs, si la série marche pas, ils n'ont pas mis toute leur carrière, tu vois, en branle. Et puis en plus, je trouve qu'avec American Horror Story, tiens, on parlait de trucs que je suis, en ce moment, je suis dans la saison 3 d'American Horror Story. Ça fonctionne plutôt bien, finalement, ce changement. Et pourtant, c'est quasiment toujours les mêmes comédiens dans des rôles différents, mais je trouve que ça fonctionne bien. T'as même hâte de revoir dans quoi ils jouent. Et 24 heures chrono, qui revient là pour une saison 8, donc de 12 épisodes, en plus c'est même pas 24 heures, tu vois. Je pense que ça va revenir, ce genre de choses. Tu vois, pour moi, je serais pas étonné de voir, par exemple, Josh Whedon nous sortir une saison 8 de Buffy de 13 épisodes sur Tout d'un Netflix, tu coup, vois. ouais. Mais ouais, mais et en Out même of temps, nowhere. mais en plus, ça serait cool, tu vois. Comme ça, quand t'es comédien, limite, tu te dis, la Bones va s'arrêter à la fin de cette année, je crois. Pourquoi pas à un moment refaire une saison 6 de Angel, tu vois, dans 2 ans? Le mec, il fait Ouais. 13 épisodes, il s'équipe, c'est des personnages qu'ils ont révélés au grand public. Ouais, moi, je pense qu'il Mais y a vraiment un truc faut à. faire attention aussi au surdosage, c'est-à-dire que si tu commences avec une série, s'il y a tout le monde qui commence à faire ça, ça va ennuyer le téléspectateur et Tu ça va veux revenir à la même chose au final. dire qu'il faudrait que Hollywood ait la tête sur les épaules et Hein. qu'ils Ce qui soient obligés n'arrive de faire jamais. qui n'arrive jamais quand ils ont un bon filon, Exactement. ils savent tout à fait modestement ne pas le surutiliser. Par exemple, c'est pas comme si quand ils font une série policière qui marche bien, t'as pas pendant 20 ans 45 000 séries policières, par exemple. Jamais de la vie, c'est pas leur Mais job. jamais de la vie, non, non, ils sont classe à Hollywood. Parlant d'Hollywood, il y a Disney qui a racheté Star Wars et là maintenant ils ont racheté Indiana Jones. Mais tu sais qu'ils ont racheté plus ou moins Geek? Ah ouais? Non. Mickey va arriver. Ouais. On va pouvoir faire des paquets. Et Rurik lui a prévu un bon petit programme pour Mickey. Oh là là, je préfère pas savoir. Mais sinon, tu penses quoi justement de Disney qui reprend Indiana Jones alors que le quatrième épisode, il y a pas mal déçu, tu vois. Enfin, je sais pas. Bon, à mon avis, ils vont pas reprendre Harrison Ford, mais un remake, ce serait un peu atroce. Ils peuvent faire avec Harrison Ford. Indiana Jones, c'est le déambulateur, ça peut être pas mal. Hein. Encore, mais ouais, bah ouais, déambulateur. Ouais. C'est Indiana Jones à la maison de retraite. Non, écoute, et deux trucs, c'est que je pense que quand Disney a racheté Star Wars, honnêtement, George Lucas faisait du Disney déjà depuis très très longtemps. Et que sa licence, il l'a vendue, survendue. Je me mets des vaches qui rient Star Wars, moi. T'avais une boîte de vaches qui rient avec Dark Vador dessus, machin. Donc. Je pense que la licence, ça fait hyper longtemps que le mec a vendu son âme. Enfin, a vendu son âme. Il a fait du fric de partout. Donc, honnêtement, que ce soit George Lucas ou Disney qui pilote, je pense que ça ne changera pas des masses. Et puis surtout qu'ils ont choisi quand même J.J. Abrams comme réalisateur. Ils n'ont pas été chercher n'importe qui, quoi. C'est ça qui est bien. Ouais. Puis ça, tu sais quoi, ça va devenir comme. Je pense que ça va être comme les Harry Potter ou Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire que le but pour eux c'est de faire un film qui arrive à chaque fois aux fêtes de Noël qui sont les périodes où les films américains engrangent plus de pognon partout dans le monde, et chaque Noël t'auras ton nouveau Star Wars, donc t'auras l'épisode 7, l'épisode 8, ils te font des déclinaisons des fois de temps en temps, ça permettra à des gros comédiens de venir jouer, de prendre un peu leur pied dans l'univers Star Wars. Donc moi je demande à voir, franchement j'y vais, j'ai pas été plus que ça choqué par l'annonce. Par contre, sur Indiana Jones, moi, justement, je suis plutôt assez content. Je me demandais d'ailleurs pourquoi ils n'avaient jamais finalement fait avec Indiana Jones ce qui a été fait avec James Bond. C'est-à-dire que finalement, demain, tu peux avoir un Clive Owen qui va jouer, qui va devenir Indiana Jones. Pourquoi le personnage d'Indiana Jones, en soi, ne pourrait pas être repris comme Daniel Craig a repris et tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai, bah, changer d'acteur, c'est toujours... Ouais. Enfin, avoir un personnage qui peut être... repris par d'autres acteurs qui est pas trop déjà une icône, c'est une bonne chose, tu vois. C'est un peu comme dans Doctor Who, tu vois. Ah, mais complètement. C'est à partir du moment où tu joues le jeu, que tu l'assumes et que c'est annoncé comme ça, moi je pense que après faut que le film soit vraiment bon, quoi. Après faut pas qu'Indiana Jones ça devienne un truc ça devienne Benjamin Gates, tu vois. Ouais, voilà, Il faut vraiment que ça reste dans le truc, tu sais, improbable de Vinci Code, quoi. Faut vraiment que ça reste dans cet esprit de même pas du. Je crois qu'encore le quatrième, je l'ai revu avec un peu de recul, pas si mauvais que ça et pas. Ah non, mais c'est juste que c'est un peu un quatrième pour faire un quatrième, quoi. C'était pas. Ouais. Puis franchement, la dernière croisade est tellement bon. En parlant de gros films à gros budget, tu penses quoi du prochain Batman avec Superman? Écoute, pas grand chose. C'est marrant. Moi, je dois avoir un esprit tordu à la base, mais peut-être que Pierre va me rejoindre de nouveau, hein, puisque j'ai senti une petite séparation, hein, tu voulais plus trop être d'accord avec moi. Alors Batman, pour moi, le Batman de Christopher Nolan, les trois, hein, sont hyper surestimés. Je sais pas pourquoi. Moi, le côté, notamment sur le dernier, là, quand les flics ils passent 8 mois dans les égouts, t'as déjà vu, hein, déjà tu passes toi, mec du Nord. Hein, puisque je vous parle en Picardie, vous êtes dans. Tu passes déjà une journée dans les égouts. Tu sors, tu pues. D'accord? T'es dégueulasse, t'es plein d'auréoles. Les mecs, imaginons quand même que c'est tous les flics de la ville, ça fait 8 mois qu'ils sont dans les égouts. Les mecs, ils sortent, ils n'ont même pas de barbe en plus. Hein. Ils sont impeccables. Ils ont tous en plus leurs uniformes. Ça, c'est très fort. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont dû leur passer, tu vois. Mais en fait, dans le dernier, il y a beaucoup d'incohérences. Franchement, voilà. Moi personnellement, je suis fan de la trilogie de Nolan. Pas du dernier. Le dernier, je l'ai trouvé bien vachement en dessous. Ouais. Alors mais au contraire, je trouve le premier sous-estimé. C'est-à-dire qu'on l'a, on l'a un petit peu dit, ouais, c'était un moyen de relancer Batman vite fait pour relancer The Dark Knight. Mais au final, il est tout à fait correct, le premier. Alors tu vois, je pense que je pourrais avoir le même jugement que toi en le re-regardant. Je pense aussi qu'effectivement il a dû être un peu crashé et tout. Deuxième, Heath Ledger est juste il est énorme. Hallucinant, mais il y avait déjà des trucs qui me gênaient. En fait, le problème de peut-être que de la trilogie Nolan, c'est qu'elle est très très sérieuse. C'est-à-dire, c'est pas Il manque une dimension, comment dire. Il y a beaucoup de critiques de la société à l'intérieur. Il est très sombre, très, vraiment beaucoup trop sombre en fait peut-être. Ouais. C'est-à-dire contrairement, en fait pas très sombre parce que bon, tu regardes les Burton, ils n'étaient pas très gays non plus, tu vois. Ouais. Enfin voilà, Batman Returns, il est tout, c'est un des films les plus noirs que, enfin voilà. Ouais, mais il y a quand même un peu de second degré, je suis assez d'accord avec toi, Ouais, c'est que voilà. dans la Voilà, c'est le manque de version second Nolan. degré, c'est le côté très Ouais. terre à terre, ouais, c'est. Ouais. Et c'est marrant, mais je trouve que Christian Bale, ou Bale, je sais pas comment on le prononce en Christian américaine, Bale. Christian, je l'appelais Christian Trou de Balle. Christian, des fois, il est un peu trop, tu sais, à fond, quoi. Bah, Mec, il surtout, souffre de c'est. partout. C'est cette espèce de voix un peu bizarre qu'ils ont pris pour Batman, où en fait il parle un peu comme ça. Enfin, je sais Ouais, pas, après, personne ne parle c'est comme ça. horrible. C'est horrible. C'est une des pires idées qu'il a jamais eues, Nolan. Moi, j'adore Nolan. Hein, franchement, c'est mon réalisateur préféré. Vincent, t'as fait une très bonne vanne sur Skype. Je veux que tu la dises. Sur les flics qui étaient dans les égouts, tu marques sur Skype. Ils auraient dû demander conseil aux mineurs chiliens. Et ça, et tu sais quoi, c'est une blague que je trouve de très mauvais goût et je la trouve très bien. C'est Ce justement serait non. pour ça qu'elle est bonne. Je vous C'est salue. vrai que j'avais pas vu. Elle est Ah, il y a magnifique. aussi marqué OK mon porcinet, je te fais des bisous mon Pierrot avec la langue, mais ça Ah, peut-être ok. que j'aurais pas dû le dire. Ouais, mais c'est parce que là, on rentre dans l'intimité des soirées Culturama et voilà, c'est un peu. C'est parce que Oui. Pierre, c'est comme mon frère et comme on est en Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Ceci C'est bon. expliquant cela. Voilà. Sinon, ben, t'as un dernier mot pour, ben, pour ceux qui. Écoute, que ce soit des fans, des non-fans, des gens qui connaissent pas, etc. Eh ben écoute, ouais, de vraiment, donc ça reprend à partir du 27 janvier sur l'Énorme TV, qui est une chaîne gratos, donc tout le monde l'a sur sa box. Vous avez une box et vous avez des Je chaînes vais de les télé. citer, attends, je vais les citer. Alors, sur Vodbox Free, c'est sur le canal 125. Sur Orange, c'est le canal 131. Sur SFR, c'est le canal 155. Sur votre Bebox, c'est le canal 92. Sur Virgin, c'est la 78. Sur Tévolution, c'est 72, et si vous n'avez aucune de ces box, c'est sur Play TV, donc Ouais, donc sur Internet. oh ouais, c'est ça, donc Est-ce que je c'est la suis reprise. complet? Et les numéros du loto sont le 48, le 2, le 5 et le 18. Mais dans le désordre. Bien sûr. Exactement. C'est le tiercé de Vincennes, ça. Et Avec le sourire de Jean-Pierre Foucault, voilà. exactement. Donc on est reparti pour 24 numéros, donc on est diffusé donc chaque semaine de là de fin janvier jusqu'à quasiment fin juillet. Donc comme tu disais, ceux qui n'ont même pas l'énorme TV sur Play TV, ils peuvent l'avoir en streaming live direct, donc 21h peuvent se brancher, regarder l'émission. Nous, elle sera mise en ligne en intégralité 7 jours après. Mais chaque jour, sur la page Facebook et sur notre page YouTube, tu auras un extrait en exclu. Donc tu auras une rubrique qui va être isolée de cette émission-là. Donc voilà, on a essayé de réfléchir à faire vivre nos pages le plus intensément possible, surtout que comme je disais, ça fait quand même un an qu'on n'était plus là. Voilà, plein de nouveautés. Donc Rudy de la Flanders Company qui nous rejoint. Le Geekctionnaire qui est une très très bonne rubrique. Moi j'adore, vous allez voir, c'est super drôle. C'est un terme geek qui est décrypté par un mec qui travaille avec nous depuis 2-3 ans, mais qui était toujours dans l'ombre, mais qui est très très drôle, qui s'appelle Sébastien Lacheret. Voilà, en plus, si on me pose la question du recrutement pour entrer dans l'émission, c'est que vous ayez une communauté ou pas de communauté, peu importe. C'est vraiment le feeling qui joue là-dedans. Même nous, on peut postuler. Ouais, bon, j'ai dit, il faut du feeling, les mecs. Ouais, bon. Ah, comment je vous ai cassé? J'allais pleurer Bim! dans mon coin. Oh, bah, tu C'est sais, une mauvaise nouvelle supplémentaire. Comme tous les gens du Nord. Ah. Tala, mais ouais, non, il y a plein de nouveautés. Il y a toujours, il y a des nouveaux chroniqueurs en plateau aussi. Il y a les, je dirais, ce que j'appelle maintenant les historiques, c'est Laurent, moi et Rurik, puisqu'on s'est tapé, puisqu'on est là depuis le début en plateau. Les Carole Quinten, qui en plus de ne pas être désagréable à regarder, vient nous parler manga rétro, puisque RL maintenant va faire uniquement culture japonaise dans une autre rubrique. Nicolas Augusto, qui vient de Gameblog et qui s'occupe de la partie jeux vidéo, puisque Fred et Seb, bah, du coup, n'avaient plus trop le temps non plus d'être là, parce que ça prend quand même un peu de temps, hein, de la partie plateau de l'émission. Joe Hume, qui était notre voix off de la saison 2, arrive en plateau aussi, puisque j'arrête les séries télé. Je me concentre uniquement sur mon rôle de présentateur troublion. Puis surtout, je m'occupe plutôt de la partie d'interview de l'invité qu'on a avec nous. Voilà, donc on enregistre en public à Paris, donc plein de chroniqueurs, et vraiment un ton qui garde, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le côté hyper référence culturelle. On va toujours sur des sujets pointus, on parle toujours de trucs obscurs ou vraiment à découvrir ou à redécouvrir, mais avec vraiment vraiment un vrai, de la fraîcheur, des vrais échanges, ça déconne, ça n'arrête pas. Enfin, je pense que franchement, là, on a vraiment trouvé le, pour moi, le bon équilibre dans l'émission. Et j'espère que les gens vont s'en rendre compte. Donc voilà, il reste plus qu'une chose à faire, c'est de se mettre devant sa télé. Tiens, ça me fait penser que dernièrement, on m'a demandé l'intérêt d'être devant sa télé parce qu'on n'avait pas son boîtier, on n'était pas raccordé à Médiamétrie. Tu vois, le côté des audiences. Ah oui. Alors, je vais pouvoir expliquer pourquoi c'est important aussi d'être devant sa télé. Si demain on cartonne sur YouTube et qu'on fait 1 400 000 abonnés et que chaque vidéo est vue 4 millions de fois, la chaîne de télé énorme, elle nous dira, il n'y a pas de souci, restez, ce que vous faites sur Internet nous amène de la visibilité, machin, donc il n'y a pas de problème. Ça risque quand même d'être pas le cas quand même. Hein. Je pense qu'on ne va pas faire 1 400 000 abonnés en 3 semaines, il ne faut pas rêver. Et du coup, pourquoi c'est important de le regarder à la télé? Parce que l'audience d'Énorme TV, nous, on a les audiences quasiment chaque semaine. Parce qu'il y a Médiamétrie, effectivement. Donc, Médiamétrie, c'est des gens qui ont chez eux une double télécommande. Ils ont la télécommande à eux et la télécommande Médiamétrie, qui permet de calculer les audiences des chaînes. Mais, comme Énorme TV sur toutes les box, donc les opérateurs, que ce soit Free, Orange ou machin, communiquent les résultats des audiences directement à la chaîne chaque jour. Donc, c'est important. Si lundi soir à 21h, il y a plein de gens qui rallument leur Freebox, même s'ils savent qu'ils ont l'émission 7 jours après sur Internet, s'ils allument leur Freebox, nous, le lendemain, notre directeur de chaîne, il va voir qu'il y a plein de gens qui sont connectés sur Freebox, il va nous dire, c'est bien les petits gars, continuez comme ça, je vous aime. Voilà, sinon il va dire, allez vous faire. C'est un bon repère, quoi. Ouais, mais c'est un très très bon repère. Donc, les audiences, c'est, oui, c'est effectivement... Ça permet de toucher un public plus large aussi, la télé, comme toujours. Ouais. Et puis, le but aussi, nous, ça a toujours été de créer un rendez-vous, quoi. C'est-à-dire que les gens aient envie, le lundi, d'allumer leur télé. Une vraie émission de télé, quoi. Ouais, mais carrément. On a envie que ce soit un vrai rendez-vous, que les gens se disent, ah, putain, attends, il est lundi. Ah, putain, il est 9h, ça va commencer. Va mettre la 131, parce que moi je suis chez Orange, va mettre la 131, hop là, et devant l'émission, un petit plateau repas, on se marre, on apprend des trucs, et en plus après ça donne envie de télécharger légalement ou d'acheter de la BD, donc je veux dire, c'est que des bonnes choses. Quoi. Bon, bah voilà, on peut aussi vous retrouver sur Facebook, donc plus ou moins geek sur Facebook, ouais. Vous tapez ça avec les signes par contre, parce que sinon vous tombez sur d'autres chaînes, la chaîne officielle c'est avec les signes plus et le signe moins. J'aurais dû pas picoler le jour où on a choisi le nom de l'émission parce que plus et moins, c'est toujours compliqué. Les gens tapent un plus, ils me disent ou alors faut l'écrire en toutes lettres. Alors, je dis, bah, tu sais quoi, tape les deux, puis tu vas y arriver au bout d'un moment. Justement, alors par contre, sur Twitter, faut taper entièrement, c'est-à-dire que c'est plus ou moins geek en lettres. Plus ou moins geek en lettres. Et même que je vais dire que sur YouTube, c'est en lettres, sur Dailymotion, Dailymotion, c'est en lettres. C'est quasiment en lettres tout le temps, quoi, on va dire. Il y a juste sur Facebook où vous faites une exception. Et toi, sur Twitter, c'est... Je ne l'ai pas noté. Donc, c'est quoi ton Twitter? Tu vas voir, est super original. @DavidFrescino. Je sais, c'est très déstabilisant d'utiliser son propre nom. C'est tellement 2013 comme méthode. Mais oui, c'est mon nom et mon nom de famille et mon prénom. Et en plus, il y a un site internet www.plusoumoinsgeek.com. Mais je dirais que vraiment la page vraiment à suivre, ça reste la page Facebook parce que c'est là où on poste tout. Quoi. On poste, les news sur l'émission, les diffusions. Il y a plein de petits visuels sympas aussi qu'on a créés pour l'émission. Donc, des fois, vous allez voir des meupettes qui vont vous dire « Regardez plus ou moins Geek, c'est dans une heure », ce genre de choses. Il y a aussi toute l'actu des chroniqueurs de l'émission sur ce qu'ils font à côté. Donc, si à un moment vous aimez Rubrique, vous voulez en savoir plus, voilà, tout remonte sur notre page Facebook. Donc, on se rejoint tous sur Facebook, sur la page de Plus ou moins Geek. On se lève tous pour Danette et on se rejoint tous sur Facebook. Quoi. Donc, je pense qu'on va pouvoir mettre un terme à cette petite interview, très courte. Franchement, c'était très court. Enfin, non, mais on te remercie, franchement, c'était super. Bah moi je te dis, faut pas me donner la parole. Hein, c'était super complet, c'est super en tout cas. Et bah on te remercie. Et bah de rien, écoute, j'ai envie de vous faire des bisous avec la langue, donc je sais pas pourquoi, c'est ce qui est venu la première fois tout de suite dans ma tête. Donc je vous fais des bisous avec la langue. Et puis je vous dis à très vite. Puis encore un grand merci pour le soutien, encore un grand merci pour l'interview, parce que voilà, c'est une émission qu'on défend depuis pas mal de temps. Et puis, voilà, tous les soutiens, tous les petits focus sont super importants pour nous. Et puis voilà. Puis si un jour ça s'arrêtera au moins en beauté, et on aura fait l'émission qu'on avait envie de voir, comme on voulait la faire. C'est beau. Au revoir. Au revoir, Culturama. Sur cette magnifique interprétation, on va se laisser. Ouais. Voilà. Allez, torse-toi. Bon, allez. Salut à tous. Allez, à la prochaine. Petit poney, youpi. C'est trop de la bombe.